êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploités devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal. Bonsoir. Vous êtes bien sur l'émission Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Cette émission a lieu deux fois par mois, le premier et le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h, et est rediffusée le vendredi à 21h. Nous nous situons au 365A chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles, et notre numéro de téléphone est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Ce soir, nous ne serons pas en studio et nous allons vous diffuser une lecture du livre « Femmes, race et classe » écrit par Angela Davis en 1981, publié en version française par les éditions des Femmes en 1983 et qui est lu par l'autrice en français, Angela et sa sœur ayant fait une partie de leurs études en France. Mais avant toute chose, je tenais à vous faire part d'une belle initiative d'un groupe oral d'apprenants et d'apprenantes au collectif Alpha de Forêt. Suite à la numérisation et à la suppression des guichets qui les conduisent à de nombreuses difficultés avec l'administration, les banques ou les syndicats, ou autres organismes, ne possédant pas d'ordinateur, pas d'internet, et donc ne pouvant pas faire valoir leurs droits de citoyens ou de citoyennes, et devant leur désespoir et leur colère aussi, leur formateur a proposé aux apprenants et aux apprenantes d'endosser le rôle d'écrivain public et de les aider à écrire une lettre aux 19 bourgmestres de la région bruxelloise et à son ministre président. Donc je vais vous lire cette lettre. Alors, à l'intention des bourgmestres des communes et du ministre président de la région Bruxelles-Capitale, 18 mai 2022. Alors, cette lettre concerne la numérisation des services pour les personnes qui ne savent pas bien lire et écrire. Madame la bourgmestre, monsieur le bourgmestre, monsieur le ministre-président, bonjour. Nous sommes des adultes inscrits dans une école d'alphabétisation, le collectif Alpha. Nous ne savons pas bien parler, lire et écrire le français. Nous n'avons pas été beaucoup à l'école ou pas du tout quand nous étions enfants. Merci à la région de nous donner enfin l'occasion d'aller à l'école. Mais notre problème, c'est que de plus en plus de services sont sur Internet. La banque, le logement social, le syndicat, la commune, la mutuelle, Actiris, etc. Nous ne connaissons pas Internet. Nous n'avons pas tous un ordinateur. Et nous n'avons pas d'imprimante. Internet, ça coûte cher aussi. Il n'y a plus de guichets avec des vraies personnes pour nous aider et nous expliquer. Si on va sur place, parfois, un monsieur de la sécurité nous dit d'aller sur Internet ou de téléphoner. Quand on téléphone, il y a de la musique très longtemps ou une boîte vocale qui nous dit de rappeler plus tard, qui nous renvoie sur Internet ou qui nous pose des questions dont on ne connaît pas la réponse. Quand quelqu'un répond, parfois, la personne parle vite ou nous dit « Si vous ne parlez pas français, que faites-vous ici ?» Parfois, on sent un manque de respect parce qu'on ne parle pas bien français. Tout ça nous stresse beaucoup. Des fois, on pleure. On dépend de nos enfants, d'une nièce, d'un voisin, d'une belle-sœur, de l'assistante sociale. Mais ils n'ont pas toujours le temps. Et ils en ont marre quand qu'on leur demande de nous aider. Il y a aussi un problème de vie privée. Ces personnes peuvent voir combien on gagne, ce qu'on dépense, notre code secret ou autre chose. Il y a de moins en moins de personnes pour nous aider. Et pourtant, on se forme pour trouver du travail. Parfois, on en trouve et on paie des impôts, des taxes, la TVA et tout ce qui suit. Ce qu'on vous demande... de garder des guichets avec des personnes respectueuses qui prennent le temps et d'ouvrir de nouveaux guichets, en mettre surtout plus. Mettre des distributeurs, des machines qui parlent et qui expliquent comment on doit faire. Pas seulement un écran, il y a ça en France. Quand on doit prendre rendez-vous, ne pas devoir attendre 2 ou 3 mois pour voir la personne. On voudrait aussi pouvoir à nouveau venir sans rendez-vous. Ne pas devoir payer en plus quand on paie les factures au guichet de la poste ou de la banque. On veut des personnes qui décrochent rapidement au téléphone et qui nous écoutent. Il faut aussi qu'Internet soit moins cher. Créer des bureaux spéciaux pour des personnes comme nous, où on pourrait chercher du travail. Qu'on reconnaisse ce qu'on sait faire, on sait faire des choses, pour nous proposer un emploi. Et de penser à nous. En vous remerciant pour votre attention et en espérant une réponse de votre part, nous vous saluons respectueusement. Des apprenants et des apprenantes du collectif Alpha de Forêt, Saint-Gilles et Molenbeek. Cette lettre a été signée par 160 apprenants et apprenantes du collectif Alpha. On leur souhaite vraiment très bonne chance. Ceci était la chanson de Myriam Makeba qui s'appelle Pata Pata. Cette chanson a été reprise par le comité de femmes sans papiers de Bruxelles pendant la conférence avec Angela Davis qui a lieu le 25 avril 2022 ici au Cirque Royal Bruxelles. Avant d'écouter Angela Davis, nous allons très rapidement vous énoncer les événements à venir. Donc vendredi 20 mai, il y a donc le Zotte Morgen, 32 rue de la Grande-Île, à Mille, Bruxelles, qui accueille la distro La Pinothèque de 18h à 21h, comme tous les vendredis. Samedi 21 mai, il y a la formation à l'action avec Vridaxi à Gand, de 10 à 17h. Si vous voulez vous informer ou vous inscrire, il faut regarder sur le site de vridaxi.be, Axi Training. Il y a également le 21 mai une soirée de soutien pour le lancement du projet Un art pour Bruxelles. Ce projet a un double objectif. D'un côté, rendre l'alimentation bio et locale accessible à chacun, peu importe ses revenus, et de l'autre, assurer un revenu décent aux maraîchers. Alors c'est un événement Facebook, s'il faut taper Un art pour Vore Bruxelles, BXL. Donc, Un art pour Vore BXL. Alors, la soirée aura lieu au Zone Klopper, qui est avenue de la Verrerie, 23A 1190 Forêt, de 14h à 23h. Alors, le dimanche 22 mai, deux visites guidées décoloniales, pour ceux que ça intéresse. Donc, il y en a une de 14h à 16h à Anderlecht, avec un rendez-vous place du Conseil. 16h30, 18h30, place Royale, devant l'église Saint-Jacques sur Kudenberg, face à la statue Godefroy de Bouillon. Le lundi 23 mai, il y a une permanence squat à l'assaut du vide de 14h30 à 17h30 et ça se passe au Burtwinkel, 13 place Annesens, Bruxelles. C'est comme tous les lundis, il y a cette permanence squat. Mardi 24 mai, Quinoa organise un ciné-débat avec deux documentaires de Zine TV, Pas sans elle et Nous les domestiques modernes. Et ça se passe au Mundo B, 26 rue des Dambours, 1050 XL, de 18h à 21h30. Mercredi 25 mai, de 10 à 13h, permanence occupation. Alors ça se passe chez Atoma, rue Pierre de Coster, 110 1190 Forêt, et ça se passe tous les mercredis. Donc c'est une permanence pour parler des occupations. Et le même jour, donc le 25 mai, de 11h à 15h30 à la Grand Place, Hôtel de Ville de Bruxelles à 11h, et il y aura la 17e cérémonie d'hommage aux morts de la rue de 2021, puis Place Albertine à 14h, il y aura un recueillement autour d'un arbre qui a été planté et qui est organisé par le collectif des morts de la rue. Alors si vous voulez, il y a un site qui s'appelle lesmortsdelarue.com/stratdoden. Alors le même jour également, donc le 25 mai, de 18h15 à 20h15, il y a une rencontre lecture « Les communs, comment ça se travaille ?» et ça se passe au DK, rue du Danemark, 70B, 1060 Saint-Gilles, et c'est organisé par les actrices et les acteurs des temps présents. Jeudi 26 mai, donc de 19h à 22h, il y a encore une rencontre ton squat, toujours au Burtwinkel, 13 place Annesens à Bruxelles, et c'est pour aller à la rencontre d'autres personnes, afin de créer ton collectif d'occupation pour te loger. Voilà. Et en plus, ensuite, pour terminer, le vendredi 27 mai jusqu'au 29 mai, donc c'est le dimanche 29 mai, il y a un festival qui s'appelle SNAP, dans ses Sex Worker Narrative Art and Politics. Et c'est au Borchowburg. Ça, c'est Auguste Hortstraat, 28 000 Bruxelles. Et ça se passe également au Cinéma Nova. Cinéma Nova, c'est le 29. Et les autres jours, c'est au Borchowburg. Un festival, c'est un festival d'auto-représentation des travailleurs et des travailleuses du sexe à Bruxelles. Alors, vous avez un site pour pouvoir avoir plus d'infos, notamment le programme. C'est snapfest, snapfest.fr. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la cassette de la lecture d'Angela Davis de son livre « Femmes, race et classe ». Bonne écoute. I've got love for you, my child and my man. It's for you. I work so hard in this land. I am a woman. Femmes, race et classe de Angela Davis, lu par l'auteur. Au début du XXe siècle, parmi tous les travaux académiques consacrés à l'esclavage dans le sud des États-Unis, on aurait cherché en vain une étude consacrée aux femmes esclaves. L'éternelle question du libertinage des femmes noires ou de leur tendance matriarcale ne faisait qu'obscurcir leurs conditions au lieu de l'éclairer. Au cours des années 70, la polémique reprit avec plus d'ardeur. Mais en dépit de la profusion d'ouvrages, très peu d'attention y est accordée au problème des femmes. L'historien ou l'historienne qui orientera sa recherche sur les expériences des femmes esclaves rendra un service inestimable à l'histoire. Il ne faut pas seulement envisager une telle enquête sous l'angle de la vérité historique, car certaines leçons de ce passé éclairent d'un jour nouveau les luttes actuelles d'émancipation des femmes noires et de toutes les femmes. En tant que profane, je ne peux que suggérer une nouvelle étude de l'histoire des esclaves noirs. Les femmes noires ont toujours été plus nombreuses à travailler à l'extérieur que leurs sœurs blanches. Pour elles, l'importance actuelle du travail découle d'une structure établie dès le début de l'esclavage. Le travail forcé éclipsait tous les autres aspects de leur vie. C'est donc à travers le rôle de travailleuse qu'il faut appréhender leur histoire. On admet parfois que l'esclave type était domestique, cuisinière, servante ou nourrice des enfants de la grande maison. L'oncle Tom et Sambo ont toujours eu de fidèles compagnes, Tante Jemima ou la nounou noire, stéréotypes qui prétendaient définir l'essence des femmes asservies. Comme c'est souvent le cas, la réalité est diamétralement opposée au mythe. À l'exemple des hommes de leur communauté, elles travaillaient très souvent au champ. Le Sud, creuset de l'esclavagisme, produisait surtout des ouvriers agricoles. Vers le milieu du XIXe siècle, 7 esclaves sur 8, hommes et femmes confondus, étaient au champ. Le système esclavagiste définissait les Noirs comme une marchandise humaine, puisque les femmes étaient considérées comme des unités de travail productrices de profit au même titre que les hommes. Le propriétaire ne faisait aucune différence entre les sexes. Tout comme les garçons en âge de travailler, les filles devaient creuser la terre, cueillir le coton, couper la canne à sucre et récolter le tabac. De l'aube à crépuscule, femmes et hommes travaillaient côte à côte. Quand il s'agissait de travail, le fouet savait mieux mesurer la force et la productivité que la différence des sexes. Mais lorsqu'il s'agissait d'exploiter, de punir ou de brimer un être, les femmes esclaves en tant que femmes étaient naturellement en butte à toutes sortes de contraintes et d'agressions sexuelles. Quand l'abolition de la traite internationale des Noirs commença de menacer la jeune et dynamique industrie du coton, la classe esclavagiste fut obligée de s'en remettre à la reproduction naturelle pour augmenter la population nationale d'esclaves. Pendant les années qui précédèrent la guerre de sécession, les femmes esclaves furent de plus en plus jugées en fonction de leur fécondité ou de leur stérilité. Celles qui pouvaient produire 10, 12, 14 enfants ou plus devenaient un trésor enviable, mais leur statut de mère ne leur attira pas plus de respect que le statut de travailleuse. Le culte de la maternité, certes très populaire au XIXe siècle, ne s'appliquait pas ici. En fait, aux yeux des esclavagistes, les Noirs n'étaient pas des mères. Elles étaient simplement des instruments de renouvellement de la main-d'œuvre. Elles étaient seulement des ventres du bétail dont la valeur était fonction de ses capacités à se multiplier. Un an après l'arrêt de l'importation d'Africains, un tribunal de Caroline du Sud décréta que les femmes esclaves n'avaient aucun droit sur leurs enfants. Cette décision permettait d'enlever les enfants et de les vendre à n'importe quel âge. Les petits des esclaves sont traités comme les autres animaux, précisait l'arrêt. To that barge, lift that bill. Don't you know well I can work like hell. And ain't I a woman? Avant la guerre de sécession, lorsque le Sud commença à s'industrialiser timidement, le travail des esclaves complétait et concurrençait souvent celui des hommes libres. Les femmes et les enfants représentaient un groupe très important dans la plupart des usines textiles, de chanvre ou de tabac. Les femmes n'étaient jamais trop féminines pour travailler dans les mines de charbon, les usines métallurgiques pour remplacer les bûcherons ou les terrassiers. Elles participèrent au creusement du canal Santé en Caroline du Nord, à la construction de digues en Louisiane et à l'installation de nombreuses voies ferrées encore en service dans le Sud. Les femmes noires qui devaient se montrer aussi masculines que les hommes au travail ont profondément souffert pendant l'esclavage. Sans nul doute, certaines en sont mortes et cependant la plupart ont survécu et ont acquis ces qualités taboues selon l'idéologie de la féminité du XIXe siècle. Au moment où l'industrialisation capitaliste dissocia totalement les femmes blanches du monde de la production capitaliste, introduisit un clivage entre l'économie domestique et l'économie sociale, dans la propagande dominante, le mot « femme » devint synonyme de « mère » et de maîtresse de maison, ses fonctions étaient définies comme inférieures. Mais ce vocabulaire n'était jamais employé chez les Noirs asservis. Les aménagements économiques de l'esclavage contredisaient cette nouvelle idéologie de la hiérarchie sexuelle. Les relations hommes-femmes dans la communauté esclave ne pouvait donc s'intégrer à l'idéologie dominante. Un voyageur de passage dans le Mississippi décrit un groupe d'esclaves rentrant des champs. Une quarantaine de femmes d'une taille et d'une force surprenante, toutes portaient la même robe bleue à carreaux, jambes et pieds nus, elles s'avançaient fièrement la houe sur l'épaule, d'un pas libre et vigoureux, comme une troupe en marche. Il est peu probable que ces femmes aient exprimé l'orgueil d'un travail accompli sous la menace constante du fouet. Néanmoins, elles devaient être conscientes de leur formidable pouvoir, leur capacité à produire et à créer. La prise de conscience de leur existence physique avait probablement éveillé un désir de défendre leurs propres droits, leur famille et leur peuple. Il s'est souvent trouvé des gens pour affirmer, avec les propriétaires d'esclaves, que la famille noire avait une structure matrilocale. L'état civil des plantations omettait le nom du père et n'enregistrait que celui de la mère, et dans tout le Sud, la législation adopta le principe du partus sequitur ventrum, l'enfant suit la mère. Telle était la volonté des propriétaires, pères de nombreux esclaves. Mais ces lois régissaient-elles également les rapports entre les esclaves? Les esclaves se conformaient fidèlement aux lois de la famille, mais ces lois différaient de celles des familles blanches. Les mariages tabous, l'attribution des noms et les mœurs sexuelles, qui concernaient incidemment les relations extra-conjugales, séparaient les esclaves de leurs maîtres. En essayant quotidiennement de sauvegarder l'autonomie de leur vie familiale, les esclaves faisaient preuve de dons extraordinaires et parvenaient à humaniser un environnement étudié pour les transformer en sous-hommes. En démontrant qu'il existait une vie familiale complexe où chacun avait sa place dans « The Black Family in Slavery and Freedom », Gutmann a sapé l'un des principaux fondements de la théorie matriarcale. Mais elle n'a pas réfuté nommément l'autre thèse qui affirme l'existence d'une famille bicéphale et la domination de la femme noire sur son mari. En fait, c'est le rôle des femmes dans la famille qui a largement déterminé leur statut social dans la communauté. Contrairement aux femmes blanches, les femmes noires n'étaient pas infériorisées par les tâches domestiques. Du fait qu'elles travaillaient autant que leurs maris, on ne pouvait les considérer comme de simples ménagères. On déduire qu'elles dominaient leurs maris est pourtant une déformation de la réalité. Dans l'essai que j'ai écrit en 1971 avec le peu de moyens dont je disposais dans ma cellule, j'ai défini ainsi la fonction domestique de l'esclave. Obsédé par l'idée de subvenir aux besoins des hommes et des enfants de son entourage, elle accomplissait le seul travail communautaire que l'oppresseur ne pouvait directement s'approprier. Elle ne trouvait aucune compensation à son travail dans les champs. Il n'était pas utile aux esclaves. Seul le travail domestique avait un sens pour le groupe. Alors que la femme noire enchaînée était particulièrement opprimée en tant que femme, elle devint le centre de la communauté esclave. Depuis, j'ai compris que le caractère particulier du travail domestique et sa position centrale pour les hommes et les femmes asservies dépassait le cadre des activités exclusivement féminines. Les hommes avaient d'importantes responsabilités domestiques et n'étaient donc pas de simples auxiliaires. Tandis que les femmes faisaient la cuisine ou cousaient, par exemple, les hommes cultivaient le jardin, ignames, maïs ou autres légumes, et chassaient. Les gibiers, les lapins et les opossums complétaient agréablement un régime peu varié. Les tâches accomplies par les hommes n'étaient ni supérieures ni inférieures à celles des femmes. Elles étaient toutes nécessaires. Selon toute vraisemblance, cette division du travail n'était pas très rigoureuse car il arrivait aux hommes de travailler dans la casse lorsque les femmes s'occupaient du jardin et se joignaient parfois aux chasseurs. Dans les limites de la famille et de la vie communautaire, les Noirs réussirent une chose prodigieuse. Ils transformèrent l'égalité négative dans l'oppression en égalité positive dans leurs rapports sociaux. Les femmes la revendiquaient aussi en défiant l'institution inhumaine de l'esclavage, résistant aux agressions sexuelles des Blancs, défendant leurs familles, participant aux grèves et aux révoltes. Frederick Douglass rapporte ses réactions d'enfant devant la violence impitoyable de l'esclavage et raconte les flagellations et les tortures d'un grand nombre de révoltés. Sa cousine, par exemple, fut cruellement frappée parce qu'elle avait réussi à résister aux violences sexuelles d'un gardien. Une femme qu'on appelait tante Esther fut rageusement fouettée pour avoir défié son maître désireux de la voir rompre avec l'homme qu'elle aimait. De nombreuses femmes ont fui vers le nord. Une des tentatives les plus spectaculaires fut celle de Anne Wood, une jeune femme ou peut-être une adolescente qui dirigea un wagon de fugitifs armés. Après leur évasion pendant la nuit de Noël 1855, ils furent rattrapés et livrèrent bataille à leurs poursuivants. Deux d'entre eux furent tués, mais les documents attestent que les autres réussirent à gagner le nord. L'étude du rôle des femmes dans le mouvement de résistance à l'esclavage exige un hommage à Harriet Tubman, qui accomplit un exploit en conduisant plus de 300 personnes par l'Underground Railroad. Les premières années de sa vie furent semblables à celles de la plupart des femmes esclaves. Ouvrière agricole dans le Maryland, elle comprit que sa force de femme valait celle de n'importe quel homme. Son père lui apprit à couper le bois et à fondre les rails, et en travaillant à ses côtés, il lui transmit le savoir qu'elle mit à profit dans ses 19 allers et retours entre le nord et le sud. Il lui montra comment marcher silencieusement dans les bois, comment trouver sa nourriture et ses médicaments parmi les plantes, les racines et les simples. Ce que lui apprit son père entre sans doute pour une grande part dans ses succès répétés. Au cours de la guerre de sécession, Harriet Tubman combattit l'esclavage sans relâche. Aujourd'hui, elle reste la seule femme des États-Unis à avoir mené des troupes de combattants. Harriet Tubman était un être exceptionnel, mais son geste exprimait aussi une force et une persévérance individuelles que beaucoup d'autres femmes de sa race avaient acquises. La résistance était souvent plus subtile que les révoltes, les évasions et les sabotages. Elle impliquait par exemple l'apprentissage clandestin de l'écriture et son enseignement. À Natchez, en Louisiane, une esclave dirigeait une école de nuit entre 11h du soir et 2h du matin et décerna des diplômes à plusieurs centaines de personnes. De toute évidence, beaucoup rédigèrent leur propre laissez-passer vers la liberté. Les propriétaires ont, semble-t-il, tenté de briser la résistance des femmes en les réprimant de manière particulièrement féroce. Les punitions infligées dépassaient en cruauté celles que subissaient les hommes. Les femmes étaient non seulement fouettées et mutilées, mais aussi violées. Il serait abusif de considérer cette institutionnalisation du viol comme l'expression du refoulement sexuel du maître hanté par le spectre de la féminité blanche. Cette explication est beaucoup trop simpliste. Le viol était une arme de domination, une arme de répression dont le but secret était d'étouffer le désir de révolte des femmes et de démoraliser leurs maris. Pendant la guerre du Vietnam, lorsqu'on encourageait les GIs à violer les femmes et les adolescentes vietnamiennes, on fabriquait une arme de terrorisme politique de masse. Cet usage du viol comme arme d'intimidation et de terrorisme était déjà encouragé par les propriétaires d'esclaves qui cherchaient à emprisonner les femmes dans leurs conditions. Les blanches qui rejoignirent le mouvement abolitionniste furent particulièrement indignées par les agressions sexuelles perpétrées sur les femmes noires. Les militantes anti-esclavagistes et groupements de femmes racontaient avec quelle brutalité on violait celles qui dénonçaient les sévices sexuels devant les femmes blanches. Bien que ces dernières aient rendu des services inestimables au mouvement anti-esclavagiste, elles ne saisissaient pas toujours la complexité de la condition des esclaves noirs. Une des œuvres les plus populaires de la littérature abolitionniste fut La casse de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe, roman qui rallia à la cause anti-esclavagiste un grand nombre de gens et plus de femmes que jamais. Abraham Lincoln dit un jour de Harriet Stowe qu'elle était à l'origine de la guerre de sécession. Mais l'immense succès que connut son livre ne doit pas faire oublier qu'il offre une image complètement déformée de la vie des esclaves. Le principal personnage féminin n'est qu'une parodie des femmes noires, une transposition naïve de la figure maternelle exaltée par la propagande culturelle de l'époque. Harriet Stowe n'a pas réussi à décrire la véritable résistance des femmes noires à l'esclavage. Ces femmes qui travaillaient sous le fouet, qu'on frappait, qu'on violait, mais qui ne se soumettaient jamais. Ce sont elles qui ont légué un héritage de dur labeur, d'autonomie, un héritage de ténacité, de résistance, une volonté d'égalité à leurs descendantes qui sont nées libres. I've got love for you, my child and my man. It's for you. I work so hard in this land. Two-thirds a person, great things and beatings and suffering that worsens. Black human packages tied up in strings. Black rage can come from all these kinds of things. Black rage is founded on blatant denial, squeezed economics, subsistence survival, deafening silence and social control. Black rage is found in all wounds in the soul. When the dogs bite, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Black rage is founded, fed us self-hatred, lies and abuse, while we waited and waited. Spiritual treason, this grid and its cages. Black rage is founded on these kinds of things. Black rage is founded on training and training, finding your freedom to stop your complaining, poisoning your progress, such human contortion. Black rage is founded on these kinds of things. When the dogs bite, when the beatings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Free and surprise, is it myth or illusion? Forcing you back into purpose confusion. Like human trafficking or blood transfusion. Black rage is founded on these kinds of things. Politics, politics. On vient d'écouter Black Ridge de Lauryn Hill. Quand la littérature ne mentira plus sur l'histoire de la cause anti-esclavagiste, on verra les femmes y occuper une grande place, car cette cause a surtout été la leur. Ainsi s'exprimait Frederick Douglass, ancien esclave, leader abolitionniste noir, si étroitement associé au mouvement des femmes du 19e siècle, qu'il fut traité de féministe. Son attitude à l'égard de ceux qui le harcelaient était peut-être inspirée par la conscience des mesures infamantes contre les femmes blanches que l'on baptisait « femmes à nègres » pour mieux les détourner du mouvement anti-esclavagiste. Et il n'ignorait pas que les femmes étaient indispensables à ce mouvement, non seulement parce qu'elles étaient nombreuses, mais aussi parce qu'elles savaient plaider cette cause. Pourquoi se sont-elles ainsi levées en masse pour rejoindre le mouvement anti-esclavagiste? Pourquoi l'abolitionnisme attirait-il tout spécialement les femmes blanches du 19e siècle? Pendant la première moitié du siècle, la révolution industrielle transforma profondément la société américaine. Elle entraîna un changement radical dans la vie des femmes blanches, dont le statut social commença parallèlement à se détériorer. On se mit à affirmer catégoriquement que la place de la femme était à la maison. En réalité, leur place avait toujours été à la maison, mais pas seulement parce qu'elles faisaient les enfants et les élevaient ou subvenaient aux besoins des maris. Jusque-là, fabriquant les étoffes, les vêtements, les bougies, le savon, elles participaient à l'économie familiale et leur travail était respecté comme celui des hommes. Quand cette production passa de la maison à l'usine, l'idéologie glorifia la femme au foyer et la mère. En tant qu'épouse, les femmes devenaient des appendices des hommes, des servantes et comme mères des ventres reproducteurs. La situation de la ménagère blanche était pleine de contradictions. La rébellion était inévitable. Les tumultueuses années 1830 virent naître une résistance acharnée. Il y eut dans les usines textiles du nord-est des débrayages et des grèves largement initiées par les jeunes femmes et des enfants. À la même époque, les femmes blanches, des milieux plus favorisés, commencèrent à se battre pour le droit à l'éducation et le libre emploi à l'extérieur de chez elles. Au nord, les femmes blanches de la classe moyenne et les jeunes ouvrières des filatures utilisaient fréquemment la métaphore de l'esclavage pour décrire leur oppression. Les représentants des milieux aisés, insatisfaits de leurs conditions de vie, commencèrent à dénoncer l'esclavage du mariage. Et quand les ouvrières du textile se mirent en grève en 1836 à Lowell, dans le Massachusetts, elles défilèrent dans la rue en chantant « Oh, je ne peux pas être esclave, je ne veux pas être esclave. Oh, j'aime la liberté, je ne veux pas être esclave. » 4 ans plus tôt, en 1832, les femmes noires avaient fondé la première société anti-esclavagiste à Salem, dans le Massachusetts. L'année suivante fut créée la Société féminine de Philadelphie contre l'esclavage. Et les sympathisantes blanches furent assez nombreuses pour faire le lien entre les deux groupes opprimés. Grâce à un événement abondamment commenté dans la presse, une jeune femme blanche incarna le courage féminin et l'idéal antiraciste. L'institutrice Prudence Crandall défia ses concitoyens blancs à Canterbury, dans le Connecticut, en acceptant une élève noire dans son école. Sa fermeté inébranlable montra qu'il était possible de soutenir la cause naissante des femmes parallèlement à la lutte des Noirs. Les parents des élèves blanches s'opposèrent unanimement à la présence d'une écolière noire et organisèrent un boycott très bruyant. Mais l'institutrice refusa de céder au groupe raciste. Sur le conseil de Madame Charles Harris, une femme noire qu'elle employait, elle décida d'accueillir davantage d'élèves de couleur et au besoin de créer une école à leur intention. Les citoyens de Canterbury contre-attaquèrent en faisant passer un décret stipulant que le gouvernement des États-Unis, la nation et toutes ses institutions de droit appartenaient aux hommes blancs qui les représentaient. Il fallait sans doute prendre cette expression au pied de la lettre, car Prudence Crandall n'avait pas seulement enfreint leur code de ségrégation raciale, elle avait transgressé le code des femmes blanches. En dépit de toutes les menaces, Prudence Crandall inaugura l'école. Où cette jeune Quaker trouva-t-elle le courage et l'énergie de résister à un siège quotidien? Elle les puissa probablement dans le soutien de ceux dont elle défendait si ardemment la cause. Son école continua à fonctionner jusqu'à ce que les autorités du Connecticut ordonnent son arrestation. Prudence Crandall avait marqué son époque et elle symbolisa la victoire malgré son apparente défaite. Sa prise de position était un exemple plus frappant qu'on aurait pu l'imaginer pour les femmes blanches qui vivaient la naissance douloureuse de leur conscience politique. Dès que fut fondée la première organisation nationale contre l'esclavage en 1833, les ouvrières s'engagèrent dans la cause abolitionniste. Quant aux femmes de classe moyenne qui se découvraient marginalisées par l'essor du capitalisme industriel, cette transformation leur avait cependant accordé des loisirs pour promouvoir des réformes sociales et organiser la campagne abolitionniste. Celle-ci, en retour, leur permettait de protester contre l'oppression familiale. 4 femmes seulement furent invitées à assister à la première convention de la société anti-esclavagiste américaine. Les organisateurs de cette rencontre à Philadelphie stipulèrent qu'elles y assisteraient comme auditrices et spectatrices, et non comme participantes. Cela n'empêcha pas l'une d'elles, Lucretia Mott, de s'adresser à 2 reprises avec beaucoup d'audace aux hommes de la convention, stupéfiant l'assistance masculine. À cette époque, les femmes ne s'exprimaient jamais dans les réunions publiques. Malgré les applaudissements et l'assentiment de la convention, aucune femme ne fut ensuite invitée à signer la déclaration de sentiment et d'intention. Interdiction formelle, oubli, ce geste témoigne en tout cas d'une grande myopie politique. Lucretia Mott fit preuve de plus de discernement et elle fonda la Société des femmes de Philadelphie contre l'esclavage juste après cette convention masculine. Elle allait devenir une grande personnalité politique du mouvement anti-esclavagiste. Son courage et sa fermeté face aux émeutiers racistes qui incendiaient la mairie de Philadelphie avec la complicité du maire firent l'admiration de tous. À son exemple, beaucoup de femmes blanches qui n'avaient aucune expérience politique rejoignirent le mouvement et reçurent un véritable baptême du feu. Au sein du mouvement abolitionniste, les femmes blanches ont compris la nature de l'oppression humaine et masculine et ce faisant, celle de leur assujettissement. En refusant l'esclavage, elles ont protesté ouvertement ou implicitement contre leur exclusion de l'arène politique. Comme le montre Eleanor Flexner dans une remarquable étude du mouvement féministe, les abolitionnistes s'enrichirent d'une expérience indispensable pour imposer leurs droits 10 ans plus tard. Il fallait que la maîtresse de maison, la mère ou la fille, transgresse les bonnes manières, ignore la désapprobation ou les interdits dictés par leur entourage masculin et descende dans la rue hostile en brandissant leur première pétition. Qu'elle sollicite des signatures pour une cause impopulaire. Ainsi, elle sortirait sans leur mari ou leur père. mais elle se faisait le plus souvent rabourrer ou insulter pour cette conduite jugée indigne de leur sexe. Parmi les pionnières de l'abolitionnisme, Sarah et Angelina Grimke, originaires de Caroline du Sud, sur vraiment associer l'esclavage et l'oppression des femmes. Née en Caroline du Sud dans une famille propriétaire d'esclaves, les sœurs Grimke vouaient une haine féroce à cette curieuse institution et décidèrent une fois adultes de s'installer dans le Nord. Elles rejoignirent le mouvement abolitionniste en 1836 et illustrèrent leur militantisme en donnant des conférences en Nouvelle-Angleterre. Ces rassemblements, organisés par des sociétés de femmes, étaient les premiers du genre et attirent de plus en plus d'auditeurs masculins. Tandis que certains cherchaient sans doute à s'informer de leur expérience, d'autres attaquaient violemment les sœurs Grimke. L'attaque la plus féroce vint de l'Église. Le pouvoir de la femme, c'est la dépendance où la place la conscience de sa propre faiblesse. Dieu la lui a accordée pour la protéger, déclara le conseil des pasteurs du Massachusetts. Selon eux, les actes des sœurs Grimke soumettaient la nature féminine à un péril immanent et universel. À l'origine, ni Sarah ni Angelina n'avaient vraiment l'intention de s'interroger sur l'inégalité des sexes. Leur souci principal avait été de révéler la nature immorale et inhumaine de l'esclavage et la responsabilité des femmes dans sa perpétuation. Mais aux premières attaques misogynes, elles réalisèrent qu'elles devaient défendre leurs droits sous peine d'être à jamais exclues du mouvement abolitionniste. Et c'est la liberté d'engagement de toutes les femmes qu'elles se mirent ainsi à défendre. Brillante oratrice, Angelina dénonça la violence sexiste. Sarah, théoricienne de génie, commença une série de lettres sur l'égalité des sexes et la condition des femmes. Rassemblée en 1838, cette correspondance créait un précédent. Aucune autre analyse poussée de la condition des femmes n'avait été rédigée par une femme américaine. Beaucoup de militantes anti-esclavagistes s'enthousiasmèrent pour les écrits et les conférences des deux sœurs. Mais certains leaders masculins prétendaient que le combat féministe troublerait et éloignerait celles qui ne combattaient que l'esclavage. Angelina Grimke affirmait « Nous ne pourrons nous unir pour faire avancer la cause abolitionniste tant que nous n'aurons pas écarté cette pierre de notre chemin. On peut croire que nous quittons la route en évoquant ce problème. C'est faux. Nous devons l'aborder dès maintenant. Si nous abdiquons cette année le droit de parler en public, il nous faudra renoncer aux pétitions l'an prochain, puis à l'écriture et ainsi de suite. Comment aider les esclaves quand nous sommes nous-mêmes asservis par l'homme honteusement réduite au silence? Dans ce pays où les femmes sont avilies et brutalisées, publiquement fouettées, vendues dans des abattoirs de négriers, privées de salaire, arrachées à leurs maris, dépossédées de leurs vertus et de leurs enfants, il est tout à fait naturel qu'elles veuillent savoir pourquoi, surtout lorsque ces outrages violent les principes de la Constitution. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous croiser les bras, nous boucher les yeux et les oreilles devant ces horreurs, sous prétexte qu'il s'agit de politique. Quand on nous prive du pouvoir d'agir, on nous prive scandaleusement du droit d'agir. Dans ce cas, appelez-nous donc les esclaves blanches du Nord. Angelina Grimke affirmait « Tant que les Noirs n'obtiendront pas leurs droits, nous n'aurons pas les nôtres. » Cette nuit-là, le Quichemat et Elizabeth Cady Stanton remontaient Queen Street bras dessus, bras dessous. passant en revue les événements de la journée, elles décidèrent de tenir une convention de droits de la femme dès leur retour aux États-Unis. Cette conversation se tint à Londres en 1840, au début de la Convention internationale contre l'esclavage. Les représentants de la Société américaine contre l'esclavage en avaient été exclus par l'insupportable phallocratie des militants abolitionnistes. Elles n'avaient pu qu'assister à une controverse animée sur la participation des femmes à la lutte anti-esclavagiste. Exclue de cette même société quelques 7 ans auparavant, le Cuishemat ne pouvait pourtant pas s'étonner outre mesure. Mais un leader abolitionniste noir, Charles Raymond, affirme qu'il éprouva l'une des plus grandes déceptions de sa vie quand il s'aperçut en arrivant que les femmes avaient été exclues de la convention. Je devais presque tout à la générosité et à la bonté des membres de la Société féminine contre l'esclavage de Bangor, au Cercle des couturières de Portland et à la Société des jeunes femmes de Newport contre l'esclavage, car elles m'avaient aidé pour mon voyage dans ce pays. Riemann se sentit obligé de refuser de siéger pour rester, selon ses propres mots, l'honorable représentant de 3 associations féminines dont la cause est louable et le travail efficace. À l'inverse de le Cuishemat, Elizabeth Cady Stanton n'avait aucune expérience politique à l'époque de la Convention de Londres. Mariée depuis quelques semaines, elle assistait pour la première fois à une réunion non en tant que déléguée, mais comme épouse d'un leader abolitionniste. Mais depuis son plus jeune âge, encouragée par son père, juge riche et conservateur, elle avait défié la tradition dans ses études comme dans ses loisirs. Elle avait étudié le grec, les mathématiques, et l'équitation, discipline généralement interdite aux filles. Avant son mariage, la jeune femme étudiait même le droit sous la direction de son père. En 1848, Elizabeth Cady Stanton devint mère et femme au foyer. Elle s'installa avec son mari à Seneca Falls, dans l'État de New York. Après 8 ans d'oubli, elle contacta le Cuishemat. Décision que plus tard, elle expliqua ainsi. Mon insatisfaction en tant qu'épouse, mère, maîtresse de maison, médecin et guide spirituel, et la lassitude, l'angoisse de la plupart des femmes m'ont sensibilisé à la cruelle absence de mesures concrètes pour remédier aux maux de la société et des femmes en particulier. Mon expérience de la Convention internationale contre l'esclavage, mes informations sur le statut légal des femmes et l'oppression partout présente ont accablé mon âme en venant confirmer mon expérience personnelle. Je ne savais ni quoi faire, ni par où commencer. Je n'envisageais qu'une réunion publique de protestation et de discussion. Beaucoup de participantes à la première convention des droits des femmes à Seneca Falls en 1848 prirent conscience qu'elles vivaient de contradictions similaires et qu'il était possible de se battre pour l'égalité comme pour l'abolition de l'esclavage. Pour les quelques 300 hommes et femmes réunis lors de cette convention, la question du vote féminin fut le point de désaccord essentiel. Les droits des femmes n'étaient pas encore perçus comme une cause légitime, et le vote des femmes était une revendication nouvelle et impopulaire. Frederick Douglass, le leader abolitionniste noir, défendit publiquement l'égalité politique. Après la convention de Seneca Falls, il présenta officiellement la question des droits des femmes au mouvement de libération des Noirs qui accueillit cette idée avec enthousiasme. Malgré le tollé général de la presse, des salons, des prédicateurs, on ne pouvait plus interdire la défense des droits des femmes. La question de l'égalité civique, encore mal tolérée par les faiseurs d'opinion, s'était concrétisée par la naissance d'un mouvement des femmes soutenu par le peuple noir en lutte. Don't you know you're talking about a revolution that sounds Don't you know, oh, you're talking about a revolution that sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, you're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know you're talking about a revolution? It sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh, no. Talking about a revolution. Oh, oh, no. Talking about a revolution. Oh, oh, no. Ceci, c'était la chanson Talking About the Revolution de Tracy Chapman. On est toujours à l'émission Tranche d'un art de Radio Air Libre avec la rediffusion d'un livre de femmes, race et classe publié en anglais par Angela Davis en 1981 et version française par les éditions des femmes en 1983, lu par l'autrice. La déclaration de Seneca Falls, dont le point essentiel concernait l'institution du mariage, la dépendance économique et morale où elle enfermait les femmes, détermina une prise de conscience capitale au milieu du siècle. Elle représentait l'apogée théorique de longs combats incertains et souvent silencieux contre une condition politique, sociale, familiale et religieuse vécue comme une contradiction, une frustration et une véritable oppression par les femmes de la bourgeoisie et des classes moyennes. Cette déclaration exposait le dilemme des femmes blanches de la classe moyenne, mais ignorait la situation difficile des ouvrières blanches ainsi que celle des femmes noires du Sud et du Nord. Comment vivaient les femmes qui travaillaient pour gagner leur pain, les ouvrières blanches employées dans les filatures du Nord-Est, majoritaires dans cette branche? Des journées interminables, 12, 14 et même 16 heures, d'atroces conditions de travail, un entassement inhumain dans les logements. Les ouvrières du textile se soulevèrent. Elles luttèrent avec tant d'ardeur que les années 1840 virent l'arrivée des femmes à la tête du mouvement ouvrier des États-Unis. Mais le chemin qu'avaient ouvert les ouvrières fut ignoré des organisatrices du nouveau mouvement, malgré la présence à la convention de quelques-unes comme Charlotte Woodward. Sa profession de gantière n'était pas encore industrialisée. Elle travaillait chez elle et recevait un salaire contrôlé sur le plan légal par les hommes de sa famille. en décrivant son travail. Elle expliqua dans quel esprit de révolte elle était venue à Seneca Falls. Nous, femmes, travaillons en secret, isolées dans nos chambres parce que toute la société s'appuie sur une théorie qui veut que ce soit les hommes et non les femmes qui rapportent l'argent à la maison et que ce soit l'homme et lui seul qui subviennent aux besoins de la famille. Je ne crois pas qu'il existe une seule communauté où les femmes n'aient pas été tentées de se révolter. Pour citer mon humble cas, je peux témoigner de la révolte silencieuse de chaque fibre de mon être pendant toutes ces heures où j'étais assise à coudre des gants pour récolter une misérable pitance qui m'échappait aussitôt. Je voulais travailler, mais aussi choisir mon travail et en recevoir le salaire. Voilà ma révolte contre ma condition de naissance. Le Cuishemal proposa une résolution qui demandait une intégration égalitaire des femmes à différents métiers, professions et commerces. Mais l'on oublia totalement d'autres femmes en révolte contre leurs conditions de naissance. Dans le Sud, il fallait combattre l'esclavage et dans le Nord, vivre une liberté ambiguë, le racisme. Alors que le responsable de Seneca Falls comptait au moins un homme noir dans leur rang, aucune femme noire ne se trouvait dans l'assistance. Si l'on considère l'attachement des organisateurs à la cause abolitionniste, leur complète indifférence aux femmes noires esclaves a de quoi déconcerter. Mais ce problème n'était pas nouveau. Les sœurs Grimke avaient déjà critiqué un certain nombre de sociétés de femmes anti-esclavagistes pour leur silence sur la condition des femmes noires et parfois pour leurs propos ouvertement racistes. Au cours des préparatifs de la première convention de la Société nationale des femmes contre l'esclavage, Angelina Grimke avait dû intervenir pour assurer une présence autre que symbolique des femmes noires. L'absence de femmes noires à la convention de Seneca Falls était d'autant plus évidente qu'elles avaient participé à la lutte pour les droits des femmes. Plus de 10 ans avant cette réunion, Maria Stewart avait lancé « Je suis une femme » et alors à ceux qui contestaient son droit à donner des conférences. Elle était noire, elle était la première oratrice née aux États-Unis qui s'intéressait à des assemblées mixtes. En 1827, le Freedom's Journal, premier journal noir aux États-Unis, publia la lettre d'une femme noire sur les droits des femmes. Son auteur, Mathilde, exigeait le droit à l'éducation des femmes noires à une époque où la scolarité des femmes faisait l'objet d'une brûlante controverse. Bien que les premières militantes aient négligé le sort de leurs sœurs noires, les échos du mouvement des femmes influencèrent l'organisation de lutte pour la libération des Noirs. La Convention du peuple noir à Philadelphie invita les femmes noires et en signe d'acceptation du nouveau mouvement, convia également des femmes blanches. Quant à la solidarité des femmes noires avec le jeune mouvement des femmes, c'est une ancienne esclave, Sojourner Truth, qui par sa présence et ses paroles dans divers meetings pour les droits des femmes la symbolisa. Ce fut elle qui sauva le meeting des femmes d'Akron, des huées masculines. Seule parmi toutes les femmes du rassemblement, elle fut capable de prendre un ton mordant pour répondre aux arguments phallocrates de bruyants provocateurs et de démolir avec une irréfutable logique les arguments qui prétextaient de la faiblesse des femmes pour leur interdire le vote. Avec une voix qui roulait comme le tonnerre, elle lança « Regardez-moi, regardez mon bras !» et elle releva sa manche pour dévoiler son extraordinaire musculature. J'ai labouré, planté, engrangé, et nul homme ne m'a surpassé. Ne suis-je pas une femme? J'ai travaillé et mangé autant qu'un homme, quand je le pouvais, et j'ai même supporté le fouet. Ne suis-je pas une femme? J'ai mis 13 enfants au monde et presque tous ont été vendus en esclavage. Et quand j'ai hurlé ma douleur de mère, Dieu seul m'a entendu. Ne suis-je pas une femme? Le petit monsieur en noir là-bas dit que les femmes ne peuvent avoir les mêmes droits que les hommes parce que le Christ n'était pas une femme. D'où venait le Christ? D'où venait votre Christ? De Dieu et d'une femme. L'homme n'a rien à voir avec lui. Si la première femme créée par Dieu était assez forte pour renverser le monde toute seule, les femmes devraient être capables de le remettre à l'endroit. Et maintenant qu'elles le demandent, les hommes feraient mieux de les laisser faire. La réponse de cette femme noire au phallocrate contenait aussi une leçon pour les femmes blanches. En répétant au moins 4 fois la question « Ne suis-je pas une femme ?», elle révéla les préjugés de classe et le racisme du nouveau mouvement des femmes. Plusieurs participantes à la convention s'étaient d'abord opposées à l'intervention orale d'une femme noire et les opposants aux droits des femmes avaient tenté de profiter de ce racisme. 2 ans plus tard, au cours d'une convention nationale des femmes, Sojourner Truth luttait toujours contre celle qui s'efforçait de la réduire au silence. Je sais que ça fait murmurer et ricaner de voir une femme de couleur se lever et parler de la vie et des droits des femmes. Nous avons été tellement rabaissés que personne ne croyait que nous pourrions nous en relever. Mais nous avons été foulés aux pieds depuis trop longtemps, nous nous relèverons. Le désir des femmes de contrôler leur maternité est probablement vieux comme le monde. Les femmes ont toujours souhaité des contraceptifs infaillibles, mais le droit à la maternité désirée n'a pu devenir légitime que lorsqu'un mouvement organisé a posé la question des droits des femmes. Au milieu du 19e siècle, Sir Gwemke réclamait le droit des femmes à décider du moment où elles seraient mères, du nombre de leurs enfants et des conditions de leur naissance, dans un essai intitulé « Le mariage ». Elle insistait sur le fait que les femmes n'ont jamais disposé du droit de décision en la matière. L'idée que les femmes pouvaient refuser de se soumettre aux exigences sexuelles de leur mari devint le thème central de l'appel à la maternité désirée. Et, dans les années 70, à l'apogée du mouvement pour le vote des femmes, les féministes défendaient ouvertement ce principe. En 1873, Victoria Woodhull proclamait que la femme qui se soumet malgré elle à des rapports sexuels commet un acte suicidaire. Le mari qui la contraint accomplit un meurtre et mérite le même châtiment que s'il l'avait étranglée pour s'être refusée à lui. Vers la fin du 19e siècle, le taux de natalité des familles blanches subit une baisse sensible. Comme on n'avait découvert aucune méthode contraceptive nouvelle, cette baisse ne s'explique que par la décision des femmes blanches de diminuer le nombre de leurs rapports sexuels. En 1890, l'Américaine blanche n'avait pas plus de 4 enfants en moyenne. L'urbanisation de la société américaine justifiait ce taux de natalité. La famille nombreuse était une nécessité dans une ferme, mais elle était inadaptée au contexte urbain. Pourtant, les sociologues du capitalisme monopoliste naissant proposèrent une interprétation raciste et anti-ouvrière de ce phénomène. Comme les Américaines blanches faisaient moins d'enfants, on brandit le spectre du suicide de la race dans les cercles officiels. Et en 1906, dans son message aux États de l'Union, Roosevelt accusa les femmes blanches des classes favorisées du péché de stérilité et les menaça d'être responsables de la mort de la nation, du suicide de la race. Il tint ce langage à une époque où l'idéologie raciste redoublée de violence et une vague d'émeutes raciales et de lynchages déferlés sur tout le pays. Il cherchait aussi à rallier des voix en faveur de l'annexion des Philippines, qui constituait alors la plus récente entreprise impérialiste des USA. Comment le mouvement pour le contrôle des naissances a-t-il répondu à cette accusation présidentielle? L'entreprise de propagande fut un échec, et si l'on en croit une historienne du mouvement, il gagna même de nouveaux suffrages. Mais au moment où les suffragettes acceptaient de mettre l'extension du droit de vote aux femmes au service de la suprématie blanche, parallèlement, les militants du mouvement pour le contrôle des naissances soutenaient les nouvelles théories qui présentaient ce dernier comme un moyen d'empêcher la prolifération des classes défavorisées et comme un antidote au suicide de la race. Dans la mesure où l'on introduisait le contrôle des naissances chez les Noirs, les immigrés et chez les pauvres en général, les Blancs prospèrent, de bonnes souches yankees resterait le groupe majoritaire. Et déjà, les préjugés de classe et le racisme s'infiltraient dans un mouvement qui n'en était qu'à ses premiers balbutiements, mais qui reprenait de plus en plus l'idée que les femmes pauvres, aussi bien noires qu'émigrées, se trouvaient dans l'obligation morale de limiter le nombre de leurs enfants. Ce que les privilégiés réclamaient comme un droit devenait pour les pauvres un devoir. Quand Margaret Sanger lança sa croisade pour le contrôle des naissances, expression qu'elle inventa et popularisa, on crut un moment pouvoir dépasser les positions racistes et le racisme de classe de la période précédente. En effet, Margaret Sanger était issue d'un milieu ouvrier et connaissait bien le pouvoir corrosif de la pauvreté. Sa mère était morte à l'âge de 48 ans, en laissant 11 enfants. Elle raconte dans son autobiographie qu'elle décida d'entreprendre sa croisade pour le contrôle des naissances alors qu'elle était infirmière dans les quartiers populaires de New York. En se rendant à une visite routine, elle avait découvert qu'une jeune femme de 28 ans, Sadie Sachs, avait tenté d'avorter seule. Une fois la crise passée, la jeune femme avait demandé à son médecin de lui donner des conseils sur la contraception. Celui-ci lui avait répondu d'envoyer son mari dormir sur le toit. 3 mois plus tard, Sadie Sachs mourait des suites d'une nouvelle tentative d'avortement. Cette nuit-là, Margaret Sanger se jura de consacrer toute son énergie à trouver et à distribuer les moyens de contraception. Je me mis au lit en sachant que, quoi qu'il m'en coûtât, j'en avais fini avec les palliatifs et les traitements superficiels. J'étais résolue à trouver la racine du mal, à tenter de changer la destinée de ces mères dont les souffrances étaient infinies. Dans les premiers temps de sa croisade pour le contrôle des naissances, elle resta au Parti socialiste. Malheureusement, l'alliance entre le mouvement pour le contrôle des naissances et celui des travailleurs radicaux fut de courte durée. Les socialistes et les autres militants ouvriers continuèrent à revendiquer le contrôle des naissances, mais cela n'occupait pas une position centrale dans leur stratégie. De son côté, Margaret Sanger commença à sous-estimer le rôle essentiel de l'exploitation capitaliste dans son analyse de la pauvreté, prétendant que la famille nombreuse était responsable de la misère des ouvriers. Peut-être Margaret Sanger a-t-elle été influencée par la vogue des thèses néo-malthusiennes dans certains cercles socialistes. D'éminentes personnalités du mouvement socialiste européen, comme Anatole France et Rosa Luxembourg, avaient proposé une grève de naissance pour endiguer le flot de la main-d'œuvre sur le marché capitaliste. Enfin, l'influence désastreuse des théories eugénistes détruisit bientôt le potentiel progressiste de la campagne pour le contrôle des naissances. Au début du XXe siècle, la mode eugéniste était loin d'être fortuite. Il fallait justifier les incursions impérialistes en Amérique latine et dans le Pacifique, tout comme l'aggravation de l'exploitation des travailleurs noirs dans le Sud et des immigrés dans le Nord et l'Ouest. Les théories raciales pseudo-scientifiques qui complétaient la campagne eugéniste permettaient aux jeunes monopoles de justifier de manière éclatante leur agissement. En 1919, les théories eugénistes avaient gagné un impact indéniable sur le mouvement pour le contrôle des naissances. Le journal de la Ligue américaine pour le contrôle des naissances publia alors des articles du directeur de la Société américaine pour l'eugénisme. Pour lui, le contrôle des naissances était une arme destinée à éviter que le peuple américain ne se voie supplanté par un troupeau de Noirs ou d'étrangers du fait de l'immigration ou du taux élevé de natalité des autres populations de ce pays. En 1932, la Société pour l'eugénisme pouvait se targuer d'avoir fait voter des lois de stérilisation obligatoire dans 26 États et d'avoir fait stériliser des milliers de gens soi-disant indignes de se reproduire. Margaret Sanger se félicita en public de ces résultats. Elle déclara à la radio qu'il fallait stériliser les arriérés, les débiles mentaux, les épileptiques, les illettrés, les pauvres, ceux qui ne pouvaient pas travailler, les criminels, les prostituées et les toxicomanes. La Ligue américaine pour le contrôle des naissances lançait auprès des Noirs une invitation aussi raciste que l'appel à la stérilisation obligatoire. La Fédération pour le contrôle des naissances qui lui succéda en 1939 mit au point un programme noir et demanda le recrutement de pasteurs noirs pour diriger les comités locaux de contrôle de naissance. Margaret Sanger écrivit à une collègue « Nous ne voulons pas que les autres croient que nous voulons exterminer la population noire. Le pasteur est le seul qui puisse redresser la situation au cas où cette idée viendrait à l'esprit des plus révoltés. » Le mouvement pour le contrôle des naissances avait été amputé de son potentiel progressiste et ne défendait plus le droit individuel des gens de couleur au contrôle des naissances, mais une stratégie raciste de contrôle de la population. Cette campagne fut utilisée pour appliquer la politique démographique raciste et impérialiste du gouvernement américain. Et maintenant, on écoutera la chanson de Common, feature Bilal, Letter to the Free. C'est une chanson antifasciste qui a été écrite pour le documentaire The 13th et en figurant en conclusion de son album Black America Again de 2016. La Letter to the Free de Common traite des effets de l'esclavage, du racisme institutionnalisé, du complexe industriel carcéral et de la litanie des disparités raciales actuelles en États-Unis, depuis les fondements de l'État jusqu'à la base. Thank you. Southern leaves, southern trees we hung from. Barren souls, heroic songs unsung. Forgive them, Father, they know this knot is undone. Tied with the rope that my grandmother died. Pride of the pilgrims affect lives of millions. In slave days, separating fathers from children. Institution ain't just a building, but a method of having black and brown bodies fill them. We ain't seen as human beings with feelings. Will the U.S. ever be us, Lord willing? For now we know the new Jim Crow. The stop, search, and arrest our souls. Police and policies patrol. Philosophies of control. A cruel hand taking hold. We let go to free them so we can free us. America's moment to come to Jesus. Cage bird sings for freedom to ring. Black bodies being lost in the American dream. Blood a black bean, a pastoral scene. Slavery still alive, check Amendment 13. Not whips and chains, our subliminal. Instead of nigger, they use the word criminal. Sweet land of liberty, incarcerated country. Shot me with your ray gun and now you wanna trump me. Prison is a business, America's the company. Investing in the justice, fear and long suffering. We staring in the face of hate again. The same hate they say will make America great again. No consolation prize for the dehumanized. For America to rise is a matter of black lives. And we gon' free them so we can free us. America's moment to come to Jesus. Au début des années 70, les militantes pour le droit à l'avortement auraient dû se pencher sur l'histoire de leur mouvement. Si elles l'avaient fait, elles auraient peut-être compris pourquoi tant de femmes noires boudaient leur action et pourquoi il était urgent, en revendiquant le droit à l'avortement, de condamner sans appel la stérilisation forcée qui était de plus en plus pratiquée. La victoire la plus importante du mouvement actuel fut au début des années 70 la légalisation de l'avortement. Engagée au début du Women's Liberation, la lutte pour la légalisation de l'avortement a canalisé tout l'enthousiasme et le militantisme du jeune mouvement. Parmi les militants de la campagne pour l'avortement, on trouvait peu de femmes de couleur. Quand on s'interrogeait sur leur absence, Deux hypothèses étaient communément avancées dans les débats et dans les textes de l'époque. Les femmes de couleur avaient déjà fort à faire dans la lutte de leur peuple contre le racisme, ou bien elles n'étaient pas encore conscientes du rôle essentiel du sexisme. Mais si la campagne pour le droit à l'avortement était presque exclusivement menée par les femmes blanches, ce n'était pas parce que les femmes de couleur étaient aveugles, ni parce que leur prise de conscience était insuffisamment développée. La vérité réside dans les structures idéologiques du mouvement lui-même. Il est certain que lorsque les Noirs assimilaient le contrôle des naissances à un génocide, on pouvait penser que leur réaction était exagérée, voire paranoïaque. Et pourtant, les Blanches qui militaient en faveur de l'avortement ignorèrent un message important. Les femmes ne pourraient choisir librement leur grossesse qu'à la condition que parallèlement aux mesures légales de contrôle des naissances et d'avortement, on mette fin à la stérilisation forcée. Quant à la campagne pour le droit à l'avortement, comment les femmes de couleur auraient-elles pu en ignorer la nécessité? Elles connaissaient encore mieux que leurs sœurs blanches le scalpel meurtrier des avorteurs qui ne cherchaient qu'à se remplir les poches impunément. À New York, par exemple, pendant les années qui précédèrent la légalisation de l'avortement, 80% des décès survenus à la suite d'un avortement touchaient des femmes noires ou des portoricaines. S'il faut rappeler aux militants des années 70 que les femmes de couleur voulaient désespérément échapper aux arrière-boutiques des avorteurs, elles ne devraient pas oublier non plus que ces mêmes femmes n'étaient pas prêtes à exprimer des sentiments tellement favorables à l'avortement. Elles étaient favorables au droit à l'avortement, ce qui ne signifie pas qu'elles voulaient avorter. Lorsque les femmes noires et latino-américaines recourent à l'avortement en si grand nombre, ce n'est pas tant parce qu'elles ne désirent pas être enceintes que parce que leurs conditions de vie misérables les empêchent de mettre de nouveaux enfants au monde. Dès les premiers temps de l'esclavage, les femmes noires ont avorté seules. De nombreuses femmes esclaves refusaient de faire naître des enfants dans un monde de travaux forcés qui n'avait pas de fin, synonyme pour les femmes de chaînes, de fouets et de viols quotidiens. Un médecin de Géorgie découvrit au milieu du 19e siècle que les avortements provoqués ou spontanés étaient bien plus fréquents chez les esclaves noirs que chez les femmes blanches. Selon lui, tous les médecins de campagne ont entendu les planteurs se plaindre de la tendance contre nature des femmes africaines à se débarrasser de leur progéniture. Atterrés de ce que des familles entières de femmes ne parvenaient pas à avoir d'enfants, ce médecin semble n'avoir jamais songé que les naissances d'enfants dans un système esclavagiste étaient aussi contre nature. Pourquoi dénombre-t-on tant d'avortements provoqués et d'infanticides pendant la période de l'esclavage? Non pas parce que les femmes noires avaient découvert là une solution à leur situation, mais bien plutôt parce qu'elles étaient désespérées. La plupart de ces femmes auraient certainement réagi violemment si on leur avait présenté l'avortement comme un pas vers la liberté. Au début de la campagne pour le droit à l'avortement, on eut trop souvent tendance à supposer que l'avortement légal offrait une solution acceptable aux multiples problèmes engendrés par la pauvreté. Comme si le fait d'avoir moins d'enfants pouvait créer des emplois, relever les salaires et améliorer le système scolaire. La nouvelle offensive contre le droit à l'avortement, lancée à la fin des années 1970, rendit absolument nécessaire une convergence des efforts pour prendre en compte les besoins des femmes pauvres soumises à l'oppression raciale. En 1977, par l'amendement Hyde, le Congrès votait la suppression des fonds du gouvernement fédéral pour l'avortement. un grand nombre d'États limitèrent aussitôt dans leur législation. Les femmes noires, portoricaines, chicanas et indiennes, ainsi que leurs sœurs blanches, connaissant une misère toujours plus grande, furent alors privées du droit à l'avortement. Comme la stérilisation financée par le ministère de la Santé, de l'Éducation et des Affaires sociales était pratiquée gratuitement sur demande, un nombre de plus en plus grand de femmes pauvres se virent contraintes d'opter pour la stérilité définitive. Une large campagne de défense du droit à procréer devenait alors absolument nécessaire, en particulier pour celles que les circonstances économiques obligeaient à renoncer à ce droit. Ce n'est que lorsque les médias révélèrent le scandale de la stérilisation de deux jeunes noirs à Montgomery, en Alabama, qu'on ouvrit la boîte de Pandore de la stérilisation forcée. Les circonstances entourant l'affaire des sœurs Ralph sont effrayantes de banalité. Minnie Lee, 12 ans, et Mary Alice, 14 ans, avaient été attirées dans la salle d'opération où elles avaient été définitivement stérilisées. Un centre d'aide juridique du Sud fit un procès en leur nom et la mère des filles révéla qu'elle avait involontairement consenti à l'opération trompée par les assistantes sociales. Madame Ralph, qui ne savait pas lire, avait été priée de mettre une croix sur un document dont elle ignorait la teneur. La rumeur suscitée par cette affaire permit de dévoiler l'existence de cas similaires. Dans la seule ville de Montgomery, 11 adolescentes avaient subi la même opération et on apprit que la stérilisation forcée avait été pratiquée dans d'autres États. L'une après l'autre, les femmes venaient témoigner de pratiques tout aussi scandaleuses. Niall Ruth Cox intenta un procès contre l'État de Caroline du Nord. Alors qu'elle n'avait que 18 ans, 8 ans avant le procès, l'administration l'avait menacée de la priver d'allocations familiales si elle refusait la stérilisation. On lui avait assuré que sa stérilité ne serait que temporaire. On apprit que sous les auspices de la commission hygiéniste de Caroline du Nord, 7686 femmes avaient été stérilisées depuis 1933. Le prétexte invoqué était l'arrêt de la reproduction des débiles mentaux. Pourtant, 5000 de ces femmes étaient noires. Ces révélations dénonçaient la complicité du gouvernement fédéral. Le directeur du Bureau des affaires démographiques du ministère de la Santé, de l'Éducation et des Affaires sociales estima que 100 000 à 200 000 stérilisations avaient été subventionnées par le gouvernement en 1972. Est-il possible qu'en l'espace d'une seule année, le nombre des stérilisations aux États-Unis ait pu égaler celui de toute l'époque nazie en Allemagne? Après le génocide des Indiens d'Amérique, on aurait pu penser que la campagne de stérilisation du gouvernement épargnerait ces derniers. Et pourtant, le docteur Connie Urey révéla devant un comité du Sénat qu'en 1976, 24% des femmes indiennes en âge d'être mères avaient été stérilisées. Les Indiens d'Amérique sont particulièrement visés par la propagande de stérilisation. Une des brochures éditées par le ministère de la Santé, de l'Éducation et des Affaires sociales est destinée aux Indiens, contient deux croquis. L'un représente une famille de 10 enfants qui possède un cheval. L'autre, une famille qui n'a qu'un seul enfant et possède 10 chevaux. Les dessins veulent prouver que la richesse est inversement proportionnelle au nombre d'enfants, comme si ces 10 chevaux étaient arrivés par miracle grâce au contrôle des naissances et à la stérilisation. La politique démographique du gouvernement américain est évidemment raciste. et l'on continue à stériliser un nombre incalculable d'Indiennes, de Chicanos, de Puerto-Ricaines et de femmes noires. Le nombre impressionnant des Puerto-Ricaines qui ont été stérilisées reflète une volonté politique bien particulière depuis 1939. Cette année-là, le comité interdépartemental du président Roosevelt pour Puerto Rico fit paraître une étude qui estimait que la surpopulation de l'île était responsable de ses problèmes économiques. Ce comité proposait des mesures permettant d'aligner le taux de natalité sur celui de la mortalité. Très peu de temps après, Puerto Rico fut le théâtre d'une campagne de stérilisation. Malgré l'opposition de l'Église catholique qui obtint l'abandon du programme, l'expérience fut poursuivie au début des années 50 sous prétexte de contrôle démographique. Une baisse démographique de 20% fut enregistrée au milieu des années 60. Alors, Banimas attaqua violemment la politique démographique du gouvernement américain. Si l'on en croit les statistiques, et si le taux actuel de 19 000 stérilisations par mois est maintenu, en l'espace de 10 à 20 ans, la population de travailleurs et de paysans de cette île aura disparu. Pour la première fois dans l'histoire mondiale, l'application systématique du contrôle démographique aura permis d'exterminer toute une génération. Aujourd'hui, aux États-Unis, la population de couleur, et en particulier les jeunes victimes du racisme, représente une fraction importante de chômeurs permanents. Dans le cas de Puerto Rico, ce n'est pas un hasard si le développement de la stérilisation a suivi la courbe du chômage. Et dans la mesure où de plus en plus de Blancs sont victimes des conséquences désastreuses du chômage, il n'est pas impossible qu'ils deviennent les prochaines cibles de la propagande de stérilisation. L'amendement Hyde de 1977 justifie davantage la pratique forcée. En effet, après la loi votée par le Congrès, le financement de l'avortement par le gouvernement fédéral était supprimé sauf en cas de viol, de maladie grave ou de risque de mort. Les femmes ne pouvant se permettre un avortement en furent très souvent réduites à se faire stériliser. Cette opération est en effet financée par les fonds fédéraux et pratiquée gratuitement sur demande dans les milieux défavorisés. Ces 10 dernières années, le combat contre la stérilisation forcée a été principalement mené par les Puerto-Ricaines, les Noirs, les Chicanas et les Indiennes. Le mouvement des femmes dans son ensemble ne s'est pas encore solidarisé avec leur lutte. Pourtant, c'est le droit à la maternité des femmes pauvres et des femmes de couleur qui est menacé. Vous êtes à l'écoute de... L'étrange honneur. L'étrange honneur.